Anne-Christine Voelkel, dont Jouer ensemble, approche du graphique d'un loisir, le jeu de rôle, en 1995, souligne l'aspect confidentiel du jeu de rôle sur table, qui se déroule à l'intérieur du domicile, en club ou encore plus rarement lors d'événements festifs tels que les conventions. Je la cite. Le jeu de rôle est peu connu cependant. Il est tourné vers l'intérieur, pratiqué par de petits groupes dans l'intimité du domicile privé. Il échappe à la connaissance informelle que tout acteur social peut avoir des activités des autres. La pratique du jeu de rôle, qu'elle soit dématérialisée ou en coprésence physique, est observable depuis quelques années, et va même jusqu'à se mettre en scène. En effet, les joueurs, la plupart du temps le meneur de jeu, filment leurs parties et les diffusent sur les plateformes de diffusion, YouTube en tête. Les résultats que je présente proviennent de trois enquêtes, deux menées au cours de deux Master 2 en sociologie et en sciences de l'éducation, et la troisième est une enquête collective en 2018 par questionnaire sur les vidéos de jeux de rôle diffusées sur Internet. Trois items de ce questionnaire étaient en réponse libre, j'ai donc recueilli et analysé une partie de ces réponses sur un mode qualitatif. Je me concentrerai ici, non pas sur la spectacularisation comme manière de rendre intelligible et intéressante la partie à un public parfois non initié au jeu de rôle, mais sur la spectacularisation comme porteuse de propositions ludiques. Je m'inscris dans une démarche visant à revaloriser les apprentissages informels, c'est-à-dire les apprentissages qui se déroulent hors du cadre institutionnel. Et je mets l'accent sur le fait que l'attitude ludique, à comprendre comme la manière d'être au jeu, est également un apprentissage. En ce sens, les Actual Play de pratique ludique donnent à voir une manière de jouer. La pratique la plus voyante des Actual Play est celle endossée par les professionnels de la vidéo web, et donne l'occasion d'interroger l'oscillation permanente entre le maintien de la figure de personnage public du youtubeur et du contenu qu'il présente habituellement, et les contraintes spectatorielles de son métier. Quiconque a déjà regardé une vidéo de jeu de rôle s'est rendu compte que le jeu, au sens où Wizinga l'entendait, c'est-à-dire le cercle magique dans lequel le présent autre que le jeu est absent, n'existe que très peu. Les apartés méta-jeux, comme les questions des joueurs meneurs, les adresses au public imaginé, ou les blagues échangées oralement ou sur le chat de la table virtuelle, sont légion. Loki a 21 ans. Il est designer freelance, joueur depuis 5 ans et spectateur de jeux de rôle depuis quelques années. Il me dira en entretien, je cite, je trouve ça bien. Je veux dire, quand les joueurs parlent pas forcément que du jeu. Il y en a que ça en merde, mais moi j'aime bien. Les blagues potaches, les... C'est des choses que je pourrais dire avec mes potes quand on joue. Et j'aime bien voir que d'autres ont des délires scato. Tu les connais mieux. Enfin, tu connais jamais vraiment, surtout si c'est des youtubeurs, parce qu'ils assurent le show. Mais si, j'ai l'impression de les connaître mieux. Loki dévoile ici une ambivalence concernant les joueurs professionnels. Ils se dévoilent à travers les apartés tout en conservant leur position de figure médiatique. L'authenticité comme critère de qualité que Dominique Cardon en 91 assigne aux nouvelles formes d'expression publique se retrouve dans le témoignage de Loki. C'est parce que les joueurs se mettent en scène dans des situations que l'on imagine volontiers seulement partagées par un cercle restreint qu'ils produisent ce sentiment de proximité. Le tiers, c'est-à-dire le spectateur, peut opérer un couplage de ses expériences et de celles des joueurs qu'il regarde. L'incarnation d'un personnage en jeu de rôle nécessite une mise en cohérence des éléments préétablis, l'histoire personnelle du personnage, son caractère, ses valeurs, avec des éléments prenant place dans une temporalité plus courte, réaction, relation avec autrui. Le personnage n'est jamais une entité autonome, et je rejoins en ce sens l'analyse qu'en fait Olivier Caïra dans Les Forges de la Fiction. Il dote le personnage des propriétés d'un véhicule plus que des propriétés d'une enveloppe d'incarnation. Alors il est entendu que le personnage n'a pas obligatoirement à ressembler au joueur qui le joue. Il arrive cependant que les joueurs créent des personnages aux traits s'approchant des leurs, magnifié ou non. Nous pouvons citer le cas d'Aventure, où deux joueurs dotent leurs personnages de caractéristiques propres à leur personnalité publique, Maillard et Bob Lennon. Maillard donne à son personnage un physique et une coiffure proche de ceux qu'il arbore hors ligne. Quant à Bob Lennon, il va plus loin. Non seulement il donne à son personnage un physique qui se rapproche beaucoup du sien, mais encore un dérivé de son pseudonyme, Balthazar Octavius Barnabé, dit Bob, pour le citer, ainsi que des compétences directement inspirées de sa propre mythologie sur YouTube. Les similarités se retrouvent également dans le roleplay des joueurs, qui conservent la personnalité de leur personnage de YouTubeur, ce qui leur est souvent reproché dans les commentaires des vidéos. Dans un autre univers, les vidéos de jeux de rôle de Norman, qui n'ont pas été pensées sur un mode sériel, prennent place dans un univers éminemment parodique, Normanland. Cela permet à un des joueurs de prendre comme nom de personnage le prénom et nom civil d'un autre des joueurs. Ces vidéos sont courtes, et la place du roleplay est minime. Il s'agit davantage de montrer les aventures que vivent les joueurs que les aventures que vivent les personnages. Cependant, même dans les cycles de vidéos plus longues, comme Donjons et Jambons, les joueurs, en tant que figures publiques, sont au centre du jeu. Bien que les personnages soient davantage développés que dans les vidéos de jeux de rôle de Norman, c'est le jeu d'acteur du joueur qui est félicité en commentaire, ou au contraire sa trop grande discrétion qui est blâmée. La nature parodique des personnages créés par les joueurs renforce le second degré avec lequel est pris le jeu par les spectateurs. L'intérêt pour le vidéaste professionnel de ne pas interpréter des personnages radicalement différents de l'image médiatique et publique qu'il s'est construit participe selon moi d'une stratégie de notoriété. Il me semble que plus rapide sera l'identification d'une personnalité publique, plus son intervention aura d'importance. Ainsi, conserver des caractéristiques, des traits, des attitudes du personnage du YouTuber est une manière de ne pas rompre avec ses autres productions, et donc avec la communauté qui s'est composée autour de lui et qu'il retrouve en partie lors des vidéos de jeux de rôle dans lesquelles il apparaît. De plus, comme le souligne Franck Beau dans Culture d'univers, jeu en réseau au monde virtuel, le nouvel âge de la société numérique, le jeu de rôle, comme le jeu vidéo qu'il étudie dans l'article cité, est réglé, je cite, pour produire des situations intraspectaculaires, ou plus exactement, des événements à portée concentrique et non pas excentrique. Pour pousser le constat un peu plus loin, nous pourrions dire qu'ils sont une perspective égocentrique et non pas écocentrique. Fin de la citation. Une partie de jeu de rôle se déroule centrée sur elle-même et sur ses participants. Cependant, le fait de la filmer à destination d'un public transforme cet autotélisme en spectacle et par conséquent modifie le rapport des joueurs à leur performance. C'est pour cela que j'avance l'idée que les parties de jeux de rôle filmées et diffusées, notamment à des fins monétaires, mettent davantage en scène des professionnels de la vidéo sous leur image publique que des joueurs qui jouent leurs personnages. Les vidéos de jeux de rôle apparaissent comme une manière de socialiser les individus au jeu, en leur en apprenant l'existence, mais également en lui en dévoilant les modalités et les principes fondamentaux, non pas à travers des vidéos explicatives et théoriques, mais par une mise en situation. On peut être témoin d'un apprentissage du roleplay dans les vidéos de jeux de rôle. Je prends par exemple la vidéo JDR, Les Impossibles Destinés, partie 1, sur la chaîne Ekmul, à partir de 8 minutes 47. Je vous invite vivement à regarder cet extrait. Dans cet extrait, les attentes du meneur sont parfaitement claires en termes de roleplay. Lorsqu'il parle de description, il attend que le joueur sorte de son statut de joueur. Il exprime une première fois en tant que meneur que la présentation du premier joueur n'est pas ce qu'il attendait, puis par les personnages non-joueurs que la manière dont le deuxième joueur présente son personnage est étrange. Ce glissement de la formalisation de ses attentes a une conséquence en jeu est supposé faire prendre aux joueurs la mesure de leurs propos dans l'univers de jeu. Les répliques suivantes des joueurs montrent qu'ils ont saisi la dimension roleplay du jeu. Si ce sont ici les joueurs qui apprennent à jouer, les spectateurs néophytes sont tout autant invités à tirer des leçons des parties qu'ils regardent. Ainsi, les vidéastes interrogés mettent en avant que leurs vidéos servent également un objectif pédagogique. Je cite Archie, 35 ans, développeur web, vidéaste de parties de jeux de rôle. Je me suis toujours donné beaucoup de mal pour mes parties, mais pour moi, les parties virtuelles avec un public sont les plus importantes à mes yeux, parce que j'expérimente ce que je veux leur montrer, une autre manière de faire, sur d'autres scénarios. Pour moi, c'est important de leur montrer ce qu'on peut réellement faire avec une partie de jeu de rôle. Faire du RP, montrer comment le faire. Les spectateurs, en tant que joueurs ou joueurs potentiels, ne sont cependant pas les seuls à être la cible des vidéos de jeux de rôle. Les enquêtés intéressés témoignent d'un vif intérêt pour les vidéos des autres vidéastes, intérêt contrarié parfois par leur manque de temps. Ils diront tous cependant que s'ils n'apprennent que peu de choses en termes de masterisation en regardant d'autres vidéos, ce n'est pas le cas pour la technique. Voir la gestion du dispositif de la table virtuelle d'un autre vidéaste et les effets qu'il va être en mesure de réaliser sont des sources d'inspiration pour leur propre partie et viennent compléter un processus d'auto-formation aux tables virtuelles et aux différents logiciels d'audioconférence à travers la fréquentation des forums. Les spectateurs peuvent également être amenés à entrer dans la pratique par les vidéos de jeux de rôle. C'est l'un des constats de l'enquête par questionnaire menée en 2018 avec Hugo. Les répondants qui ont découvert le jeu de rôle à la suite de la consommation d'une vidéo de jeu de rôle appartiennent à la tranche basse en termes d'âge, ce qui peut témoigner d'une absence de pratiquants dans leur entourage. 13% des 15-25 ans ont découvert le jeu de rôle par les vidéos de partie. De plus, il représente 70% des personnes qui ont découvert le jeu de rôle par les vidéos. En effet, l'entrée par le jeu de rôle se fait traditionnellement par un médiateur qui va initier l'individu au jeu en coprésence physique dans l'immense majorité des cas. C'est le plus souvent un membre de la famille ou de la fratrie. une de mes précédentes enquêtes a fait ressortir que l'âge d'entrée dans la pratique des enquêtés était très précoce, moins de 10 ans, et initié par un membre du cercle social proche. La vidéo de jeu de rôle vient donc ici offrir l'initiation à laquelle certains joueurs n'auraient pas eu accès auparavant, en raison d'un cercle social non rôliste. C'est ce que laissent entendre les réponses libres du questionnaire. Dans les commentaires des vidéos de jeux de rôle, en plus des annonces de recherche de parties et de demandes pour trouver des espaces internet où un recrutement de joueurs est possible, on voit des demandes de conseils ludiques, des conseils pour masteriser, des conseils pour jouer correctement un personnage, le meilleur jeu pour débuter. Les commentaires de ce genre me confirment que la vidéo de jeu de rôle est moins un modèle à suivre qu'un initiateur de pratique. D'autres commentaires, fort nombreux, montrent des joueurs, néophytes pour la plupart, rechercher d'autres joueurs. Par exemple, un échange de commentaires sous la première vidéo de présentation d'aventure montre l'usage des espaces de discussion connexes aux vidéos par les spectateurs. Nous avons un néophyte, Léo, qui annonce rechercher une table de jeu. Romain lui répond. L'expérience du jeu de rôle qu'ils mettent en avant, dans cet échange de commentaires, est celle des parties diffusées et des conversations avec d'autres personnes. C'est leur statut de spectateur, qui, je les cite, a plus de théorie que de pratique, qu'ils tentent de réinvestir dans la pratique qui est montrée ici. Notons également que les références dont ces spectateurs parlent partagent des caractéristiques communes, notamment leur légèreté et la place accordée à l'humour et à la dérision. Léo formule l'envie de jouer dans ce type d'univers et avec ce type de ton, en arguant que lui et ses amis sont, je cite, « de bons vieux gosses ». Il adopte une attitude ludique, teintée de dérision et d'humour, que ses consommations vidéo lui ont fait apparaître comme légitime. Il est apparu que les vidéos de jeux de rôle sont un moyen d'appréhender la pratique sous d'autres modalités, quand il ne s'agit pas de la découvrir totalement. Les vidéastes non professionnels mettent en avant la dimension pédagogique de leurs vidéos, que ce soit par prosélytisme ou par volonté de former des joueurs à la pratique du jeu de rôle.